Ok, 1, 2. Laisse-le parler, laisse-le faire, jamais. On va bien les enculer, récupérer leur terre. Bah ouais, la richesse comme objectif, légal ou illégal, c'est ça, l'on fera la lessive. Tu reconnais l'équipe, toujours en train de gruger la ville. Cherche ma restitution entre j'tard et l'asile. Rouge ou bleu, j'ai pris les deux. Y'a rien qu'à bouger d'un cil, j'frappe au plexus, à la gorge. Zed jusqu'à la mort, pète jusqu'à la mort. Vais-je, travaille dans fait. Depuis l'époque du cortège. Survêtement pression, paire de cortèse. J'dis que dors dur, même ta femme jette de sort et que les portes sur. J'rappe mes cicatrices et mes écorchures. Bicrave du shit en attendant de faire fortune. Frère, dis-moi qu'il est fortune. Dans un an, j'le mets à fond sur les plages de Cancun. Premier du marathon, sky shit à la cool, high kick dans le flic à la foule. Sème sur la mouille Z. Claque dans ta bouche, même sur la touche, t'aimes. Claque dans ta bouche, même sur la touche, t'aimes. Je n'ai qu'une lettre marquée sur la poitrine et dans le cœur. Chaque note jouée est un coup de lame. Un bout de flamme se forme, éloigne les prétentieux. Presque qu'avec les miens, ils peuvent se baiser entre eux. Le Z, c'est tout un mental, un concept. La secte, une fratrie, tu la quittes ou bien tu l'acceptes. Je suis devenu la bête de leur pire cauchemar. Je vais leur arracher la tête jusqu'à finir au star. Ils comprennent pas comment notre équipe reste soudée. Si un seul monde, toute la secte sera là pour le soulever. On apporte du lourd, pas les couilles de qui dit quoi. Je vais faire bouger toute ta cité comme les petits chez moi. On fait ce qu'on aime, rien ni personne pourra nous arrêter. Je continue une carrière qui ne l'a jamais vraiment été. Je veux gagner ma vie en vendant des syllabes. Si cette mère ne paye pas, je vais devoir reprendre la bicrave. J'ai ressorti le papier comme à l'ancienne. Mais dis-moi que ferait le rap français sans le Z. Je peux pas chanter si j'ai pas de plan de sèche. Achète le CD, je t'en remercie d'avance. T'as cru que je pèse, mec, grâce à SM, au mieux je peux traverser la Manche. Y'a mon stylo qui écrit tout seul. Il m'a dit de te dire d'aller manger tes morts. Car tu fous le seum et je veux le chanter très fort. Toujours le même refrain depuis 2008. On peut dire que je vis, j'ai toujours pas fumé un type. Mais ça peut venir vite, c'est la merde, oui. Je vise les thunes, je quitte la terre ferme. J'ai 8000 vies et j'ai pas vu mille et une merveille. Le rap c'était mieux avant, en vrai je m'en carre le cul. Je pense à mes proches, tous ces connards ne me regardent plus. Senza dealer mon frère, l'usine avec un Z. Souffrance, ton le vaque sauf, fais tourner la cèpe. Je lâche rien, j'ai les gros, je kick. Je la baise avec les doigts si j'ai pas la trick. Je lâche rien, j'ai les gros, je kick. L'usine avec un Z, tu connais la vie. Je vois la vie en noir et blanc, l'usine n'a pas changé ses plans. Je rappe pas pour les gens, toujours dans les temps, j'ai grandi dans le temple. Je fais des casses, je veux des billets de banque pour combler le manque. Si je me fais serrer par les condés, maman connaît la planque. Demande à Pablo, nous on la vend mais on la sniffe pas. Ça part prison, attends deux secondes, j'appelle l'avocat. Ma feignantise me paralyse, vas-y remets de la tisse, c'est la crise. Je rappe avec les deux doigts dans la prise. Je vois ton avenir dans une flaque de pisse. Toi t'es bancal comme la tour de Pise. Envie de tuer quand mes poils s'irisent. C'est un pour tous, tous pour le bénéfice. Une villa pour mon fils, pour la famille on fait des sacrifices. Je suis albineur, pas albiniste, pas des mineurs, pas alchimie. Je suis juste un gars comme toi dans les rues de Ripoix. Va qu'est-ce, l'usine ma gueule. Avant je les détestais mais aujourd'hui je les aime tellement moins. Avant je les détestais mais aujourd'hui je les aime tellement moins. Avant je les détestais. Mais aujourd'hui je les aime tellement moins. Avant je les détestais. Mais aujourd'hui je les aime tellement moins.